franceinter.fr. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Christian Poveda, un humaniste au milieu des mareros, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Bruno Auré, réalisée par Benjamin Habitant. Journaliste, grand reporter, témoin courageux et engagé des conflits armés, Christian Poveda était un fin connaisseur de l'Amérique latine et du Salvador où il avait décidé de vivre. Il y avait couvert la guerre civile, particulièrement sanglante, qui avait causé la mort de plus de 100 000 personnes entre 1979 et 1992. C'est sur ce terreau de traumatisme et de violence qu'ont prospéré les maras. Depuis une vingtaine d'années, le Salvador est rongé par le phénomène des gangs. Né chez les immigrés latinos de Los Angeles dans les années 80, puis importé en Amérique centrale par ceux qui rentraient au pays, il serait aujourd'hui 15 000 maras, membres des gangs dans le pays, essentiellement dans la capitale, à San Salvador, la moitié en liberté, l'autre moitié en prison. Pour tourner son film « La vida loca », Christian Poveda partage pendant 16 mois la vie des gangs salvadoriens. Il a passé un accord avec la Mara 18, l'un des deux gangs de la capitale. Sans jugement ni morale, il veut dévoiler une réalité gangrénée par la misère. Christian Poveda est assassiné le 2 septembre 2009 à la périphérie de San Salvador. Ce jour-là, il doit rencontrer les nouveaux chefs de la Mara 18, le quartier de la Campanera, pour discuter des suites du film et négocier la venue d'une journaliste française voulant rencontrer les filles du gang. Alors, que se passe-t-il ? Quelques temps après, Christian Poveda quitte la Campanera mais ne se dirige pas vers la capitale. Sa voiture prend sur la droite au sortir du quartier sur une ancienne route qui conduit dans un cul-de-sac. Pourquoi Poveda a-t-il emprunté ce chemin ? Qui devait-il rencontrer ? En tout cas, c'est là que la police retrouvera son corps, criblé de 4 balles de calibre 38. Lorsque la fiction commence, nous sommes 2 mois avant l'assassinat du journaliste. Son documentaire a été présenté à Canal+, et des copies pirates ont fuité sous le manteau, au Salvador. Cette fiction est la 3e d'une série de 5 écrites par un jeune scénariste de la Fémis pour Affaires Sensibles. Tout au long du mois de mars, en effet, nous diffuserons les vendredis des fictions écrites par des jeunes auteurs de cette grande école de cinéma qui partagent avec nous la même passion pour la radio. Aujourd'hui, nous recevons Bruno Auré, qui a donc écrit « Christian Poveda, un humaniste au milieu des mareros ». Bonjour. Bonjour. Bonjour. Alors, cette toute première question, pourquoi cette histoire? Qu'est-ce qui vous a touché? Alors pourquoi cette histoire? Je pense qu'au départ, ça vient d'une vraie fascination quand j'étais étudiant et que j'ai découvert le film La vida loca, quand c'est sorti au cinéma en 2009. C'est un film qui m'a hanté pendant mes études. Après, il y a un an, je suis parti en Amérique centrale, donc tourner un documentaire, où j'ai eu l'occasion, au Salvador, de rencontrer justement Jeanne Mareros. Et c'est là où, en fait, il y a tout ce film qui a ressurgi d'un coup au fur et à mesure des paroles que me racontait ce jeune homme, donc, qui avait 17 ans, mais qui vivait dans la ville de San Salvador, et en fait, qui me racontait des choses atroces. Il avait 17 ans et c'était déjà un vétéran, en fait. Il était dans la ville et il me racontait des histoires de guerre. Enfin, c'était des scènes d'horreur, donc voilà, j'avais envie d'en savoir un petit peu plus sur ces jeunes-là. Pourquoi ce sujet? Pour essayer de comprendre ces jeunes, évidemment, mais aussi l'homme qui a voulu parler d'eux, Christian Poveda. C'est vraiment ça au départ qui m'a... Donc vous étiez imprégné de cette histoire, la plume a fait le reste, finalement. Et la dimension humaine, c'est ça qui vous intéressait, parce que parfois l'histoire met de côté ou occulte de la dimension humaine des acteurs qui font l'histoire. Et là, en l'occurrence, de celui parmi d'autres qui font l'histoire du reportage. Oui, alors c'est-à-dire que très rapidement, à partir du moment où on veut se documenter sur les maras, on va très rapidement être confronté en fait à tout un tas de scènes d'horreur où on va justement être un petit peu dans la surenchère en fait des crimes, des vols qu'ils commettent, enfin de tous les méfaits qu'ils font. Et très peu, en fait, peu de gens, donc comme Poveda, Poveda fait partie d'eux, ont justement essayé de comprendre pourquoi on en était là, qui étaient ces jeunes, pourquoi ils faisaient ça, pourquoi ils commettaient toutes ces atrocités et pourquoi ils se comportaient comme ça. Et c'est vrai que quelque part, en écrivant ce sujet, j'ai essayé de comprendre ces jeunes-là, de rentrer un petit peu dans la tête de Poveda et de, avec son regard, essayer de traduire un petit peu les mots d'une jeunesse salvadorienne dans ce contexte-là. Traduire les mots, effectivement, sans un regard de morale ni de jugement. Dernière question, elle est plus technique. Donc, vous écrivez pour la radio, c'est une écriture particulière, la radio. C'est pas l'écriture du cinéma, c'est une autre écriture. Quelle était l'histoire de cette rencontre entre l'écriture radio et vous, jeune scénariste? Ça m'a beaucoup remis dans le contexte du conteur, en fait. Je pense qu'il y avait quelque chose un petit peu de cet ordre-là, où le conteur donc qui raconte une histoire à des gens qui l'écoutent sans forcément d'image, mais qui justement font travailler leur imaginaire. Le conteur est là pour faire travailler leur imaginaire. J'ai eu le sentiment de me mettre un petit peu dans ce rôle-là, dans cette position du conteur, pour justement partager toutes ces images, tous ces souvenirs, toutes ces émotions et ces sensations propres au Salvador, propres à ce qu'aurait pu connaître Poveda pendant son expérience salvadorienne. Ouais. Bien, Bruno Auray, merci. Merci de votre contribution à ces fictions de France Inter dans le cadre d'Affaires Sensibles. Après la fiction, nous continuerons d'évoquer le travail et la personnalité de Christian Poveda, bien sûr, et cette fois avec Alain Mingan, son ami. Alors lui aussi a été grand reporter et photographe. Il a couvert beaucoup de conflits et de guerres. Il est aujourd'hui au bureau exécutif de Reporters sans frontières, entre autres, hein, et membre du comité éditorial du Festival des étonnants voyageurs de Saint-Malo. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles. Sur France Inter. Christian Poveda, un humaniste au milieu des mareros. De Bruno Auré. Sucre ? Merci. Ce sont des marginaux. Regarde. En 79, la guérilla réussit à maintenir une guerre civile avec 12 000 guerrilleros. 12 000. Eux dans les gangs, ils sont combien? 15 000 ici, 35 000 au Honduras, 50 000 aux États-Unis. En fait, c'est pire qu'avant. L'année dernière était pire qu'avant. Et l'année précédente était pire qu'avant. On veut faire passer tout ça pour un problème de délinquance. Mais c'est pas un problème de délinquance. Attends, si je te suis... Les maras, c'est un phénomène social. T'es en train de me dire que le pays est toujours en guerre? Mais pas officiellement. Ces jeunes, ils se considèrent comme des soldats. Quand ils parlent de gens dans la rue, ils font pas partie des maras, ils les appellent des civils. Mais entre eux, ils se considèrent comme des soldats. Ils ont leurs propres règles, rites, hiérarchies. Et celui qui s'en écarte, il prend des gros risques. Des soldats qui se battent contre quoi? Contre la société. Enfin, c'est pas un combat politique. C'est une rébellion. Une rébellion contre la société. Ils défendent l'état social dans lequel ils se trouvent. Tu sais, la plupart sont des enfants issus de familles compliquées. Il n'y a pas de mystère. Absence des parents, violence à la maison. Entre eux, ils forment une nouvelle famille. Ils choisissent leur nouvelle famille. C'est une manière de survivre. Et toi, dans tout ça? Toi, t'as jamais eu de soucis? Non. En passant 17 mois avec eux, rien? Je ne te crois pas. Pourquoi? Attends, j'invente rien. Ces gamins sont des fous furieux. Raquettes, trafic de drogue, meurtre. On retrouve 5 cadavres par jour. 5 par jour. 5 par jour, oui, d'accord. Mais qu'est-ce que tu penses des flics qui les harcèlent et les arrêtent parfois sans motif? Les juges qui les condamnent sur des faux témoignages, on en parle de ça? Tu lis ça quelque part, toi? Tu veux me faire culpabiliser? Non, bien sûr que non. C'est vrai, t'as raison. C'était pas évident tous les jours. Mais tu sais, à partir du moment où tu t'intéresses à eux, les choses sont différentes. Par exemple, tu vois, avec le chef de la Mara 18, on s'était mis d'accord dès le début. Pour mon film, on s'intéressait surtout à l'aspect humain. Savoir qui ils sont. Un gamin de 12 ans. Pourquoi il devient un assassin? Pourquoi il est prêt à mourir? Bonne question. El bajo no quiere morir. El tímpano me pide más. La bocina se van a partir. Y el carro me quiere explotar. La rompe carro. Que suena. Quand j'ai décidé de travailler avec la 18, on a choisi l'endroit ensemble. La Companera Soyapango, un quartier populaire de San Salvador où la Mara 18 est très présente. On a commencé par réunir toute la clique. Ils étaient une soixantaine. J'ai fait le portrait de chacun d'entre eux. Petit à petit, j'ai commencé à cibler qui était qui. Bam bam. El Casper. La Chucky. Spider. La Wizard. Ils défilent tous devant mon appareil. L'exercice fonctionne bien. Je sens déjà ceux qui me font confiance et ceux qui sont plus dubitatifs. Et puis, il y avait elle. Waouh ! Non, mais c'est Hollywood, là ! C'est Hollywood ! Et recule-toi un peu. Non, je rebondis. Pivote tes épaules. Voilà, comme ça. Comme ça ? Ouais, on bouge plus. Viens voir. C'est bon. Tu viens, regarde. Dis-moi si ça te plaît. Attends. Hé, hey, doucement. Voilà. Alors. Putain! Ça te plaît? Mais grave, je suis canon! Ouais, mais joli modèle, jolie photo. Et c'est un bon appareil? Il coûte cher? Je sais pas, c'est un cadeau, il vaut cher à mes yeux. Tu penses que je veux te le prendre? Je pense que si tu veux faire des photos, je peux t'apprendre à en faire. Quoi? Tu veux m'apprendre à faire des photos? Oui. Et si je te vole ton truc et que j'apprends toute seule? Et t'as appris à lire toute seule? Bah non, je sais pas lire. Et pourquoi tu n'apprends pas seule? Parce que c'est compliqué. Et mais là, c'est la même chose. Avec un professeur, ce serait plus facile, non? Eh ben non. Eh ben dans ce cas-là... Bon, allez, tu m'apprendras alors. À lire? Mais non. Faire des photos. D'accord. Tu t'appelles Little One, c'est bien ça? La Little One. La Little One, pardon. Être près d'elle me procure un sentiment doux amer. À 17 ans, elle pourrait être ma fille. Mais c'est elle la maman. Elle porte son bébé de 3 mois dans les bras. Et surtout, la Little One a le visage recouvert d'un gigantesque tatouage. Un 18, qui part du front jusqu'au menton. Une référence évidente à la Mara 18, son gang. L'image est surprenante. Un mélange de douceur et d'agressivité. Tu es né ici? Non, à San Salvador, la capitale. Pourquoi t'es parti? De San Salvador? San Salvador, c'est une poubelle, c'est une putain de poubelle. Et ta famille? Tes parents? Mon père, il est alcoolique, il en avait rien à foutre de moi. Il traînait à longueur de journée, il était complètement déchiré. Et ma mère, elle est aux États-Unis. Et qui s'occupait de toi? Personne. Ah, parfois mon grand frère, mais lui aussi, il se défonçait. À 10 ans, je traînais avec les chiens de rue. Comment t'as atterri ici? Avec une amie. On a commencé à fréquenter la Campanera ensemble. Et qu'est-ce qui t'a plu dans la 18, à part El Bam Bam? El Bam Bam est le petit ami de la Little One. C'est aussi le tatoueur du gang, un vrai artiste. Ici, au Salvador, personne ne te tend la main. Mais la 18, eux, ils m'ont donné à manger. Ils m'ont donné un toit. Ils m'ont donné une protection. La 18, c'est l'amour. La 18, elle peut t'apporter plein de putains de choses, tu sais. Mais tu dois aussi apporter ta graine. Et t'as passé le rite d'intégration, toi aussi? Ah ouais. Comme tout le monde. Le rite d'intégration. Ce rite d'intégration consiste à créer un cercle autour du nouvel entrant et à le tabasser en groupe pendant 18 secondes. 18 secondes pour la Mara 18. 17, 18. secondes, c'est long. Ici, c'est cool. Hein. On est entre nous, on joue au baseball, on rit, on traîne, on écoute de la musique. On danse. On sait tous que ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. S'arrêter? Bah ouais, s'arrêter. Elle mime un pistolet et me vise. Si t'as quelque chose à faire, tu le fais aujourd'hui. Demain, c'est trop tard. La vida loca. Ouais, c'est ça, ouais. La vida loca. Et sinon, le tatouage sur ton visage, c'est toi qui as fait ça? Alors? Il y a plusieurs versions. Elle n'était pas très claire là-dessus. Certains disent qu'elle a été punie parce qu'elle n'a pas réussi à tuer une cible du gang adverse, mais ça, c'est pas la version qu'elle raconte. Quand j'en parle avec elle, elle était très gênée. Donc, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que son tatouage est une condamnation à mort. Impossible de le cacher. Si elle sort du quartier, elle se fait tuer par le gang ennemi. Et si c'est pas par le gang ennemi, c'est par les flics. C'est terrible. Oui, c'est terrible, oui. Les pandilleros n'ont pas beaucoup d'espoir en l'avenir. Pour moi, tout ça, c'est un énorme gâchis. Ce sont juste des gosses paumés. Sans repère. Sans repère? Mais attends, et la boulangerie que tu as filmée? L'atelier de réhabilitation? Ah oui, ça c'était une super initiative. Les jeunes y étaient tous impliqués. D'ailleurs, c'est pour cette raison que j'ai choisi de tourner là-bas. Tu vois ça? C'est notre solution pour les sortir de la rue. Ce n'est pas que du pain alors. Voilà, c'est pas que du pain. Ouais. Chaque jeune qui passe une heure ici, c'est une heure de moins dans la rue. Hein. Ça tourne, hein? Oui. José Humberto Enriquez est le directeur de l'ONG Homies Unidos. C'est un homme costaud. Ses mains sont imposantes. Quand il parle, il gesticule dans tous les sens. Ici, c'est lui le chef. Ancien maréro lui-même, il est l'équivalent de nos grands frères dans les cités. Cette boulangerie, c'est son idée pour réhabiliter les jeunes. On a demandé de l'aide au gouvernement, mais eux, ils en ont rien à foutre de nous. Bon, on a arrêté de compter sur eux, hein, tu me comprends? Et ça fonctionne bien? Ça fonctionne. Hein. Mais on n'arrive pas encore à rentabiliser l'endroit, ça crée des tensions. Certains ne veulent plus venir travailler s'ils ne sont pas payés. Bon, il faut les comprendre, hein, comment je reste payé, moi, si je les fais travailler sans rien leur donner. Tout travail mérite salaire, tu me comprends? Eh, viens voir, venez. Eh, filmez les pains, là. Regardez, ils sentent du froid. Filmez ceux-là, là. Hein. Regarde, ils sont encore chauds, là. Prends-en un, si tu veux. Regarde, c'est du pain français, comme toi. Hein. T'es pas le premier à me la faire. Vous dites comment, en France? Du pain. Juste du pain. Du pain, hein. Mange-toi combien? 2 pour 25 cents. Ok. Il est bon? Ah, il est bon. Chaud comme ça, là, j'adore. Hein. Tu vois, le problème ici, c'est d'essayer de maintenir certaines règles. C'est important, les règles. On le répète souvent qu'ici, on vient pour travailler le pain. Hein. Pas pour cacher de la drogue, pas pour cacher des flingues. Tu comprends? Parce que si tu viens ici et que tu fais des conneries, toi, tu tombes. Hein. Mais la boulangerie aussi, elle tombe. Et ça arrive souvent? Tes gosses cachent de la drogue ici? Tout le temps. Tu sais, les règles, on ne respecte pas comme ça du jour au lendemain. Hein. Il faut du temps, c'est tout un parcours, c'est dur. Bon, faut réussir à leur expliquer sans les engueuler. Si tu cries trop fort, si tu perds le contrôle, si tu vas un peu trop loin, c'est fini, tu perds le mec. Il s'en va, il revient jamais. Et là, t'es sur un échec, quoi. C'est pas possible. Le pire, c'est les Charlie, hein. Les Charlie, c'est les flics. Et celui qui vient de dire ça, c'est El Moreno, le métis. Un jeune de 25 ans. Il est torse nu et sépare méticuleusement les boules de pain dans un panier. Il a une fine moustache, porte une croix autour du cou et des tatouages de la Mara 18 sur les bras. À 25 ans, il est l'un des plus âgés de la Campanera, un rescapé. Parce que les flics, ils savent très bien qu'on travaille ici. Ils savent qu'on n'est pas armés. Et ils sont malins, ils en profitent, ils viennent nous cueillir à la sortie, ils nous bêtent, ils nous ramènent au poste. Ils sont comme ça, les Charlie, ici. On n'a rien à foutre de qui que ce soit, des vrais chiens. Sans aucune fierté. Cette boulangerie, elle fonctionne encore? Non. José, le directeur, a été arrêté pour homicide. un procès express. Un vrai traquenard. Il est innocent ? Oui. Non. Enfin bon, à mon avis, sur cette affaire, ça change rien. En revanche, ce qui est intéressant, c'est ce que ça raconte du procédé de marginalisation. C'est-à-dire ? Ben, les Maras, c'est une guerre de pauvres contre pauvres. Pour moi, le gouvernement profite de la situation pour mener une politique répressive. Une politique qui ne fait qu'envenimer les choses. Tu fais référence à Arena. Oui, le parti politique Arena, et surtout son fondateur, Roberto d'Aubuisson. Le chef des escadrons de la mort. Ex-chef des escadrons de la mort, pendant la guerre civile, oui. Un parti d'extrême droite qui se bat uniquement pour les riches. Ils ne s'en sont jamais d'ailleurs cachés. Oui, mais pourquoi ils aggravent les choses ? Quel est leur intérêt ? Maintenir leur statut. Il faudrait peut-être aussi aller voir du côté des entreprises de sécurité et de leurs chiffres d'affaires astronomiques. Je te trouve un peu parano, là. Pardon. Je suis pas parano. Les méthodes répressives n'arrangent rien, t'es d'accord avec moi ? Elles n'ont jamais rien arrangé. On pense qu'en mettant les gens de côté, on va se débarrasser d'un problème. Bah mon film, au final, les Maras, qu'est-ce que ça montre ? Ça montre les conséquences d'une société qui marginalise une partie de sa population. Et c'est pas un problème qui touche uniquement le Salvador. Regarde en France. 70% de la délinquance juvénile vient de l'immigration. Pourquoi ? À cause d'une politique désastreuse qui marginalise des populations depuis 40 ans. Ouais. On ne trouve pas de Maras en France. Non, mais les choses sont en train de s'aggraver. Il y a quelques années, il n'y avait pas d'homicide, il n'y avait pas d'armes à feu. Ce sont désormais des choses que l'on voit dans les cités. Sans politique d'intégration de ces jeunes, un problème similaire au Maras va apparaître en Europe dans 15, 20 ans. Ces jeunes, c'est la même chose. Ce qu'ils demandent, c'est des solutions, de l'attention et de la considération. Et cette considération, c'est aussi passer du temps avec eux, vivre avec eux. Ce matin-là, la chaleur est étouffante. Dans la rue, le bitume est sur le point de fondre. Putain, fils de pute, c'est comme ça que tu te fais belle pour moi ? Hein ? Putain, foiré, laisse-moi dormir, mec, va te faire mettre là-bas. Mais quel paresseux, celui-là, allez, lève-toi. J'y crois pas. Debout ! Oh ! Allez, debout ! Tu fais quoi, là ? Debout, on va fêter ton anniversaire ! Putain, pute, je vais te niquer ! El Moreno fêtait ses 26 ans. Moreno. Pour l'occasion, je lui ramenais un sac de viande, 3 kilos de riz, des tomates, des oignons, de la coriandre. J'avais aussi deux bidons de vodka Troïka et des bières pour une tribu entière. Oh, mec, t'es galère ! Appelle aux homeboys ! Et pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Mais pour faire la fête, merde ! Je veux filmer ton anniversaire, j'ai envie qu'il soit dans le film. Oh, tu me fais chier avec ton film de merde, mec. Je veux juste pioncer pour mon ami. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Tu veux que j'en pense quoi ? J'ai entendu dire qu'on te préparait une surprise. Ouais, mon cul, ouais. Je me souviens de quelqu'un qui rêvait d'une stripteaseuse pour son anniversaire. Non, t'es sérieux là ? Ah ouais ? Vas-y, espèce d'enfoiré, va filmer mon fut, on taille direct, ça se passe où ? El Moreno, qu'est-ce qu'il devient ? Il est en prison. Il a pris 60 ans pour meurtre et extorsion de fonds. Personne ne s'en est sorti ? Si, la Chucky et la Little One. Sinon, tous ceux que j'ai connus sont soit morts, soit en prison, soit dans une autre colonie du gang. Certains sont morts pendant le tournage, j'imagine. Plusieurs, oui. T'as tenu le coup ? C'est pas évident. Tu filmes quelqu'un, tu partages son quotidien, tu noues un lien et du jour au lendemain, on t'apprend qu'il est mort. C'est dur. Et c'est pas simplement de le voir mort sur un trottoir. C'est de devoir continuer à le filmer. Parce que ça fait partie du film. La morgue, l'enterrement, la veillée. Il fallait que je continue à filmer. Oui, il y a eu des moments un peu durs, oui. Tu penses que ça s'arrêtera un jour ? Le jour où un gouvernement leur tendra la main. Pas sûr que les Maras jouent le jeu. On leur a appris la mort en leur apprenant à marcher. Donc non, ils refuseront. C'est même sûr. Ce sera un travail de longue haleine. Ce sera pas facile. Mais l'enjeu est réel. Il en vaut la peine. Et les nouveaux chefs, tu les connais ? quand on parle du loup. C'est eux qui t'appellent depuis tout à l'heure. Ouais, le film a été piraté. T'es passé au marché, il y a des copies partout, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils te veulent? Bah, disons que ça faisait pas partie du deal initial. J'y suis clairement pour rien, mais j'ai beau leur expliquer, ils pensent que je me fais des sous sur leur dos. T'as prévenu la police? La police? Mais c'est eux les vrais gangsters. Non. Non, je fais plus confiance aux jeunes de la Campanera. Bon, allez, cette fois je vais répondre. Hein. C'était agréable de te voir. Ouais, sois prudent quand même, hein. C'est pas très rassurant ton histoire. Ne t'en fais pas pour moi. J'ai vu pire. C'était Christian Poveda, un humaniste au milieu des marées rousses, de Bruno Auré. Avec Gérard Watkins, Christian Poveda, Eric Louis, Roberto Valencia, Fanny Touron, Lalita Luan, Régis Kermorvan, José Humberto Enriquez, Freddy Gopol, El Moreno. Et les voix de Pierre Carbonnier, Samuel Charles, Charlotte de Serre, Thomas Gourdi et Lola Roskis-Gingembre. Bruitage, Elodie Fiat. Prise de son, montage et mixage, Julien Douminc et Célia Dufour. Assistante à la réalisation, Clémence Bûcher. Réalisation, Benjamin Habitant. Por metales, de ahí salen los instintos animales, son reales. Imagínate de esos padres llorando por su hijo encontrado muerto en las calles. En el barrio empiezan las venganzas y el gobierno haciendo dinero esas matanzas. Fusiles, pistolas, misiles, licores, cartuchos, cocaine, nicotina para el estrés. No lo ves, siete pies bajo tierra nos quieren enterrar vivos en este mundo, nos tiene de rehén en la mira de pie contra la pared. Si me arrodillo es solo para rezar, óyelo bien. Sin recurso que el sistema escogió. Fue puesto en el mundo donde todo se le prohibió. Donde su único acceso era drogas y licor. Guns and roses, hate unfolding. Fakes approaches, snakes que te están provoking. Mistakes, desorden, creates guerra. I ain't joking. Te lo digo de adentro, we're always praying and hoping. Después nos categorizan matón y locos. Si son locos, ellos que nos venden las 38. En cada esquina un joven con cocaína, con 20 de heroína, comprando pistolas finas, jugando en la avenida. Tiran a la policía, disparan a sangre fría, corriendo a salvar sus vidas. Es el resultado del fruto criminal. Criminal. Lo triste es que lo ignoran, todo sigue igual. Sigue igual. Así caen los cuerpos de tiro. ¿Cuántos han caído? ¿Cuántos caerán cuando me alivio? Heridos por malentendidos. ¿Cuántos han caído? ¿Cuántos caerán cuando me alivio? Esto es un mensaje. latinos que están viviendo esta vida callejera. Ja, no se dejen caer. J'ai commencé ce travail, ce qui m'intéressait, c'était de faire un travail sur les personnes qui constituaient ce gang. Je ne m'intéressais pas du tout d'essayer d'expliquer ce qu'est un gang, comment ça fonctionne et tout. Je voulais savoir exactement qui constituait ce gang et pourquoi ils en étaient arrivés là. Pourquoi ces enfants, parce que quand ils commencent, ils ont 12 ans, 13 ans, deviennent des assassins très très rapidement, et essayer de trouver un peu les causes pour que ça aide à trouver des solutions, quoi. Voilà. À 70%, c'est des enfants qui sont orphelins, au moins de, si ce n'est des deux parents, au moins d'un, qui sont abandonnés des fois par leurs parents qui partent aux États-Unis. Donc c'est des enfants qui sont abandonnés, qui sont totalement marginalisés, et on est dans une au Salvador, on est dans une société qui rejette tous ces gens-là systématiquement, qui pense qu'au pognon, à l'exploitation des gens, de sa population, et donc ça donne des monstres. Voilà. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Christian Poveda, un humaniste au milieu des Mareros. Notre invité, Alain Mingan, ex-grand reporter, ami de Christian Poveda. Bonjour Alain Mingan. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous étiez un ami de Christian Poveda, vraiment un ami, un proche, et témoin de son engagement dans le tournage de son documentaire sur les gangs de San Salvador. Alors vous avez, vous aussi, été grand reporter, vous avez couvert plusieurs conflits, photo-reporter. Aujourd'hui, vous avez plusieurs activités, commissaire d'exposition, collaborateur de Polka Magazine, conseiller au prix Bayeux Calvados des correspondants de guerre, membre du conseil d'administration de Reporters sans frontières et du comité éditorial du Festival des étoiles. Non, voyageur de Saint-Malo, je crois que j'ai pas tout dit, parce que si je dis tout, ça nous mène au-delà de 16 heures. Vous êtes un homme très actif. Surtout pas, merci. Alors, vous êtes là pour parler de Christian Poveda, l'homme, le reporter, le documentariste, vos rapports avec lui. Je disais que c'était vraiment un ami proche, c'est ça, hein? Oui, un ami parmi tous ceux qui, autour de lui, effectivement, étaient fascinés par sa personnalité. Et ce qui m'amène à dire que c'est avec beaucoup d'humilité, et je vous en remercie, que de contribuer aujourd'hui à lui rendre encore hommage, parce qu'il le mérite tellement. Pourquoi ? Parce que ce travail qu'il a fait, il l'a fait dans un pays qui était le pays de son cœur. Parce que, comme tout reporter, attaché au premier pays qu'il a fait naître et reconnaître la profession, Christian avait pour le Salvador un attachement très particulier. D'ailleurs, il y est retourné en 2006, il a commencé à faire, en 2004 pour la première fois, il a repris ses boîtiers, parce qu'il était avant documentariste. Il avait fait d'ailleurs pendant la guerre civile un documentaire qui s'appelait La Révolution. J'ai un mauvais accent espagnol, donc je me permettrai pas de l'accrocher. Mais c'est La Révolution ou la mort. Et il s'était dévoué à la caméra, et il a repris ses boîtiers pour aller faire des portraits pour Paris Match, effectivement, des membres des Maras Salvatrucha. Et c'est comme ça que lui est venu, en redécouvrant l'horreur qui continuait d'exister, avec ses nombres de morts par jour, 9 à 13 morts par jour, il s'est dit, c'est pas possible que ce pays aille autant dans l'horreur au quotidien. Et donc, ce qui lui a donné l'envie de faire ce film, un film qui lui est sorti de son cœur, de ses tripes, avec une opiniâtreté, vraiment quelque chose qui était tout à fait remarquable. Et c'est pour ça que je parle à son égard. On s'était une fois gentiment engueulé, parce que quand j'avais envoyé le papier que j'avais fait pour le Festival du Scoop, où il avait été honoré, je lui ai dit « tu es le Scorsese du documentaire ». Et il m'avait dit, avec beaucoup d'amitié, il m'a dit « mais tu es fou, il ne faut pas dire ça, dans la profession, on va me décrier, etc. » Mais je lui ai dit « Christian, tu le mérites, si c'est toi qui le disais, ce serait prétentieux. Mais moi, j'ai le droit de l'écrire à ton égard, parce que, encore une fois, tu en es tout à fait digne. Pourquoi ? Parce qu'il avait réussi à s'infiltrer pour jouer effectivement sur le rappel des films de Scorsese. Et avec un sens du respect qui l'amenait, en tout cas, à ne jamais poser, comme vous avez eu raison de le dire, un jugement moral. Il était là pour voir comment il vivait, ce que il pouvait, en tout cas, espérer de la vie. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Et moi, j'ai beaucoup appris avec lui sur tout ce qui était l'histoire de ces gangs, qui disaient on vit pour tuer et on tue pour vivre. Pour vivre, absolument. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument l'axiome de base, quoi, qui justifie de sa part à Christian l'investissement qu'il va faire de 2006 jusqu'à 2009, jour tragique de sa mort. Et je vais vous dire. Oui, allez-y, pardon. Pardon. Non, une chose qui est terrible. Je l'ai eu au téléphone 2 heures avant. Il partait à la Campanera, qui était le quartier dans lequel il avait effectivement travaillé. Et pour moi, ça reste un souvenir terrible parce que c'est la première fois que j'ai senti chez lui une forme d'angoisse qui, tel le taureau espagnol qu'il était, avait du mal à accepter. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas faire, Christian, à la Campanella? Il m'a dit, je vais rencontrer 4 fous furieux. Et je lui ai dit, tu es sûr de toi? Parce que je sentais une forme de fébrilité inhabituelle. Tu es sûr de toi, Christian ? Oui, t'inquiète pas, ça ira. Bon, je me suis dit, ok, vraiment, tu es sûr de toi ? Oui, ça ira, t'inquiète pas. Et malheureusement, la tragique nouvelle est arrivée. Comment vous avez senti ça ? Dans sa voix ? Parce que vous le connaissiez bien. Oui, dans sa voix, c'était vraiment inhabituel, c'était inhabituel. Il avait une assurance qui allait de pair, disons, avec la maîtrise qu'il avait de son sujet, de la façon dont il l'avait géré, et aussi au-delà des handicaps que parfois la police et à l'intérieur même du gang, il y a eu des moments de tension, notamment quand effectivement l'ensemble des chefs de la Mara Salvatrucha qui lui avaient donné un accord préalable pour faire le film, puisque la 13 avait refusé, c'est-à-dire le gang adverse, lorsqu'il est allé leur demander s'ils acceptaient de faire un film, la 13 a refusé, la 18 lui a dit oui. Et lorsque les chefs de gang ont été effectivement condamnés à mort par la base, et là, il s'est posé la question de savoir s'il fallait continuer, et ils ont répondu d'ailleurs, en disant « Nous n'avons qu'une seule parole, tu peux continuer, tu fais ton boulot, tu iras jusqu'au bout. » Donc si vous voulez, c'est la première fois que, comment dire, nous avions projeté de partir effectivement ensemble, au reportage, pour Paris Match. Malheureusement, un changement à la direction a fait que ce n'était plus possible. Mais nous avions maintenu l'idée. Puis au dernier moment, il m'a dit, mais non, c'est important, reste à Paris, il faut s'occuper de la sortie du film. C'est ça qui est le plus important. Et voilà. Il n'a jamais venu. Si vous voulez, j'ai du mal à dissimuler l'émotion que constitue effectivement aujourd'hui l'hommage que vous lui rendez, nature à cette fiction que vous allez rendre. Mais c'est un personnage qui, à mon sens, bénéficie à l'égard de la profession du respect que mérite la nature de cette investigation qu'il a faite. Investigation dans le temps, avec aussi des moyens financiers qui n'étaient pas évidents. Grâce aussi au soutien de Carole Solive, la productrice, il a pu aller jusqu'au bout, au terme de cette investigation. Mais c'est une démarche qui honore le journalisme. Et si le film a eu autant de succès, avec plus de 130 000, effectivement, téléspectateurs pour le film, c'est parce que, je crois, il respecte une condition qui est indispensable à l'exercice du métier. Laquelle ? Celle de la vérité. Il n'y a aucune forme de manipulation dans le film. Christian était quelqu'un qui était d'une rigueur absolue. Par exemple, à chaque fois que la caméra aurait pu entraîner, de par sa présence, tant physique, celle de Christian, marque matérielle par la caméra, si cette caméra avait pu changer quelque chose ou provoquer quelque chose qui n'était pas de l'ordre de la réalité quotidienne, de la vérité, si ça avait été une forme de manipulation, il l'autorisait. De la même façon qu'il n'a jamais donné un centime. Jamais donné un centime. Il faisait des cadeaux pour les enfants, je veux dire, des gangs. Mmh. Il offrait effectivement des médicaments quand c'était nécessaire, mais il s'est refusé à avoir un rapport d'argent. Et ce qui s'est passé là, on le sait aujourd'hui, c'est que les quelques-uns des quatre fous furieux ou commandités allaient lui demander de l'argent. Et c'était la première fois que cela arrivait. Alors, sur les causes de sa mort et de ce qu'on peut en savoir ou ce qu'on peut en déduire, on va y revenir tout à l'heure à la main gorge, c'est important. On va se retrouver dans 3 minutes pour essayer d'aborder cette question-là qui doit vous hanter aussi, vous, hein, depuis que vous l'avez perdu. Mais qui l'a tué, bon sang? À tout de suite. If only is a face that from nothing to play with. Spend time hating it, but that ain't changing it. God give it to me, nobody is taking it. Therefore, moving on the base of stimulus. Standing in the twilight, I'm watching them get it in. The walls trembling, the air simmering. She moving like more than the ears of listening. Won't now test to your equilibrium. Sonic wave booming all over your enemy. Skin on skin in, skin on skin again. Put it on, get it off, get on, get it in. Ladies and gentlemen, Mr. and Mrs. Cousin of an enter and synonym. Here it is, Boogeyman. Ha. I simmer down, quiet dog by a hall, my God. Sitting in the rocket, don't stop. Brooklyn in the kitchen, heat up the stovetop. Bang in the Empire State, they're navigating the way. Your preservation make the greatest hip hop. They cool dudes, swagger, love, cherry, corny. They flow so fatty, unsteady, it's boring. These dudes ain't dope, but they on it. They need to get off it. So whack is all you can call it. Therefore, moving on to death is stimulus. Regardless what's on the wood, tan, you represent a bullet. To all of your settlements, tower to tenement. I'm overdue for all of the elements. The shimmer and I'm managing mayhem. I'm bright as the AM. Engine about to roll out the station. And blessed with the fresh day one. I got it today done. We all going back to the same one. It's cause the motivation I stay with. Remarkable flavors. They don't bear the mark of the greatness. Whoa, now the kid is the buck town. Your girl is in love now. You jump store front and get shut down. Shut up. Some of that white dog, wild heart, let's rock. And you don't stop. A silver rock to the rhythm, you don't stop. So you maintain the rock and you don't stop the rock. You keep up the rock and you don't stop the rock. Maintain the rock and you don't stop the rock. You keep up the rock and you don't stop the rock. Maintain the rock and you don't stop the rock. You keep up the rock, white dog, wild heart, my car. Simmer down, simmer down, simmer down. Stay cool. Simmer down, simmer down, simmer down. Simmer down, quiet dog, by heart, my God. Stay cool. Simmer down, simmer down, simmer down, simmer down, simmer down. Simmer down, quiet dog, by heart, my God. À la main gorge, on se retrouve pour parler de Christian Poveda, ce modèle, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, de sa façon d'exercer sa profession, la façon dont il l'exerçait, et puis bien sûr, sa mort. Alors je vous pose la question, parce que vous avez dû vous la poser bien souvent, mais qui l'a tué? C'est extrêmement difficile à J'imagine. Dire. J'imagine. C'est extrêmement difficile à dire parce que lui-même, d'ailleurs, n'évacuait pas cette probabilité funeste, dans la mesure où il savait très bien que il y avait une forme de contrat moral avec les gangs. Le premier était, à leur demande, lorsqu'ils l'ont autorisé à faire le film, à ce qu'il n'y ait pas de business qui soit fait indépendamment des leurs. Donc, autrement dit, il était hors de question que soit diffusé le film sur le territoire du Salvador sans leur consentement préalable sur place. Donc, ça, c'est une première possibilité parce que le film a été immédiatement piraté parce qu'il y a eu une erreur qui a été commise. Voilà, et on se l'est passé sous le manteau. Par la télévision espagnole, enfin par un producteur espagnol qui a diffusé le film beaucoup trop tôt et immédiatement, bien sûr, ça a été repris. Ce qui fait que, et il en parle d'ailleurs à un moment donné, dans un des échanges de mails, en disant que c'était l'horreur, parce que, si je me souviens bien, dans un document que j'ai retrouvé là, il évoque le fait qu'ils avaient fait du business effectivement ceci, et il dit « À cause d'une stupide, misérable et inutile vente à Canal Plus Espagne, La Vida Loca a été piratée lors de sa diffusion en juillet dernier. Résultat, le film est en vente sur tous les marchés d'Amérique centrale pour 1 dollar, et particulièrement Salvador. La copie est de première qualité, le film s'arrache comme du petit pain au bonheur des vendeurs de rue. Les conséquences à mon retour du Mexique dimanche dernier, j'ai appris que certains membres du gang de la 18 ont cru que j'étais en train de faire un gros business, et en conséquence, on m'a fortement conseillé de ne plus foutre les pieds dans les territoires du gang sous peine de danger. J'ai passé toute la journée d'hier à arranger le coup, et aujourd'hui, tout est heureusement rentré dans l'ordre. Là où ça devient comique, c'est que du coup, le gang maintenant rackette de 4 dollars tous les marchands de rue, et le prix du film est monté à 5. Il est bon de ne pas oublier que j'habite au Salvador, et que certaines conneries peuvent se payer très cher. Ça, c'est Christian Poveda qui parle. Hein. C'est Christian Poveda. C'est assez convaincant ce que vous dites comme hypothèse. La deuxième hypothèse qui a circulé et qui a été entretenue par certains, c'est que il avait été dénoncé parmi les 5 supposés assassins par un policier qui aurait participé à l'assassinat, qu'il avait dénoncé comme, effectivement, un indique de la police et des services. Ce qui est, connaissant Christian, comme tous ses amis les plus chers, c'est impossible. Il le disait d'ailleurs, il disait qu'il était prêt à entendre beaucoup de rumeurs, parce que d'une manière ou d'une autre, il fallait, face à la personnalité forte, à la rigueur déontologique qui était la sienne, trouver le biais de l'attaquer, au-delà, effectivement, de justes propos qui étaient le sien sur la vie au quotidien de ces gangs. Ce qui était une horreur. Et dans le film, il y a une séquence, d'ailleurs, on voit le directeur de la police qui, à un moment donné, va, à l'occasion d'une cérémonie, être filmé par Christian. Mais il n'y a jamais eu, jamais, jamais, surtout pas quand on le connaît, je veux dire, la moindre accointance quelconque. Il était encore une fois habité par ce souci, d'une totale indépendance journalistique qui fait que c'était proprement scandaleux de dire ça. D'ailleurs, ça n'a jamais été repris ensuite comme thèse officielle, ni par la justice, ni quoi que ce soit. Ça a été abandonné parce que c'était une manipulation tellement grossière que c'est ridicule. Il se pose une troisième hypothèse qui semble aussi de l'ordre du possible. Parce que une rumeur a circulé à un moment donné, faisant état du fait que les deux gangs, la 13 et la 18, auraient voulu faire un pacte de paix pour aller jusqu'à arrêter la fameuse guerre des gangs que l'on connaît. En faisant de Christian une cible privilégiée pour empêcher, parce que le gang sert aussi de petite main, nécessaire à tous les trafics. Oui. Et c'était pour lui quelque chose qui portait terriblement atteinte à son honneur. Parce qu'il savait que, en germe, cette supposée participation de sa part, je veux dire d'une certaine façon, au nom du gouvernement pour mettre fin à la guerre des gangs, c'était quelque chose qui allait provoquer de l'intérieur des gangs la volonté effectivement de l'empêcher. Et dans un mail, il dit ceci, « Bonjour. Avant tout, je veux préciser que je ne suis chargé d'aucune mission par le futur gouvernement. » Nous sommes à la veille d'élections. « Par contre, cela reste encore très confidentiel. Les deux gangs, la Mara Salvatrucha et la 18, ont décidé de s'asseoir à une table pour entrevoir la possibilité d'une paix et m'ont demandé d'être leur médiateur, ce que j'ai accepté. Dans le cas d'un accord de paix, j'espère qu'il en découlera sûrement des négociations avec le nouveau gouvernement. Ce sera du moins le principal objectif de ma médiation. Sans cela, cette paix n'aura aucun sens et ne durera que quelques heures. La partie est loin d'être gagnée. C'est tout à fait révélateur de ce qui est, j'allais dire, l'amour que j'ai évoqué du pays. En pensant que le film qu'il est en train de réaliser va permettre de prendre conscience de cette guerre civile qui ne dit pas son nom, parce que c'est une nouvelle guerre civile. Vous avez évoqué tout à l'heure au début, en introduction du sujet, les nombreux morts, les 75 000 morts de la guerre civile. Christian voyait la guerre des gangs comme une forme, entre guillemets, de pérennité tragique de cette guerre. Oui. Et il voulait absolument l'arrêter, parce qu'il disait que dans les rues, quand il sortait ou quand il voyait tous ces cadavres-là, qui n'arrêtaient pas, effectivement, de se multiplier, il disait, c'est pas possible, on n'a pas le droit de laisser vivre un pays dans cette horreur. Donc tout ce qui pouvait concourir, sans avoir la moindre connivence, ni avec les gouvernements, ni avec, effectivement, les autorités quelconques, c'est de lui-même, de l'intérieur des gangs, pour les amener à réfléchir, comme certains le disaient, oui. C'est-à-dire changer. Alors, je me permets de revenir sur les trois hypothèses et vous demander laquelle vous semble la plus crédible. Parce que c'est vrai que c'est légitime qu'on ait envie de savoir. Légitime. Cette histoire de documentaire qui serait passée sous le manteau, est-ce que c'est pas cette hypothèse-là qu'il faut retenir, la plus crédible? Après, on ne sait pas. Non, c'est très difficile. Il y a une opacité qui est terrible et qui fait que même les bruits ont circulé du fait qu'il y aurait eu une réunion des grands sommets, des différentes mafias, etc., pour justement contrecarrer ce qui pouvait être, un, l'existence du film en tant que tel, deux, toute action qui, au nom du film et par Christian, aurait pu être entreprise pour essayer d'aboutir à cette paix que certains n'ont pas intérêt à voir venir. Alors, vous connaissez Roberto Saviano, bien sûr, celui qui, alors là, au nom, pour l'Italie, hein, lui a dénoncé. Alors, d'abord, il voulait savoir, il voulait comprendre, il a fini par dénoncer la mafia, la Camorra, celle de Naples. Il a parlé à Genève lors de la 6e conférence de journalisme d'investigation, et qui pointait du doigt la perversion de la mafia. Lui, il a dit que ce serait le journalisme d'investigation qui serait visé, et qu'en assassinant Christian Poveda, un message aurait été lancé, et ce message dirait que les journalistes seront tués après la diffusion de leur enquête, pas avant, donc plus difficile de trouver les commanditaires, hein, mais tout aussi définitif. Ce message de Saviano qui en connaît un rayon sur la mafia. Et oui, très bien. Est-ce que vous trouvez ce pertinent qu'il ait dit ça par rapport à Christian Poveda? Je trouve que c'est tout à fait juste, et s'il y a quelqu'un qui, en termes effectivement de référence en matière d'investigation, est bien placé pour le dire, c'est bien lui. Dans un deuxième temps, j'ajouterais que regardons autour de nous. Comment fait-on pour empêcher des journalistes, effectivement? On essaye de créer des lois pour dire que, effectivement, demain, c'est le cas de première ligne lorsqu'ils ont été menacés, comme au Luxembourg, par des enquêtes qu'ils ont faites. On va faire peur, on va arrêter des journalistes pour les empêcher, et on va faire exemple de leur arrestation pour dissuader, je veux dire, toute forme d'investigation. Ça se passe dans différents pays, près de nous, voire même chez nous, si on a quelques moyens de pression. Alors certains utilisent le complotisme, certains utilisent tout ce que l'on sait, mais on n'est pas là pour parler de ça forcément, mais je veux dire... Si, parce que c'est un rapport direct. C'est un rapport direct. Et d'ailleurs, c'est un rapport avec vos activités à Reporters sans frontières. Il faut en parler de cette association qui est si utile. Ah, mais non seulement ça, mais encore une fois, et vous êtes bien placé, Fabrice, pour le savoir, donc nous sommes en état de vigilance aujourd'hui par rapport à toutes les menaces qui pèsent sur la presse, parce que on sait très bien que ça commence par la presse, et souvent, si vous voulez, ça va beaucoup plus loin. Mais pour revenir à Christian et aux menaces dont il a fait l'objet, je veux dire, c'est clair, l'investigation gêne, absolument, c'est le rempart nécessaire à l'exercice de la démocratie. Donc nous, à Reporters sans frontières, comme ailleurs, d'ailleurs, nous faisons en sorte, et dans les rédactions, c'est pas facile, il fait froid dehors, etc., on faut faire attention, donc il faut du courage, parfois, pour aller jusqu'au bout de certaines enquêtes. Il y a, je crois, forcément, et c'est Christian, de ce point de vue-là, payé de sa vie, ce qui était la rigueur d'une enquête, face à des autorités multiples et diverses, autant qu'à celles qui dirigeaient le gang, en disant, c'est gênant. Voilà. À partir du moment où ça devient gênant aujourd'hui, la liberté est forcément remise en cause et pas celle uniquement de ceux à laquelle l'exercice de la profession de journaliste est destiné, c'est-à-dire la population civile. Il nous reste à vous remercier, Alain Malgan. Merci infiniment pour votre témoignage. C'est moi qui vous remercie de rendre ce bel hommage à Christian. Au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles, la fiction aujourd'hui. Christian Poveda, un humaniste au milieu des Mareros, une fiction écrite par Bruno Auré, réalisée par Benjamin Habitant et Alexandre Fougeron, émission proposée par Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Nicolas Slimani.